commençons par le tafsir de la sourate Ash-Shams. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa shamsi wa buhaha. Donc comme dans beaucoup de sourates qu'on a vues jusqu'à maintenant, la sourate commence par un qasam, par un serment. Wa shamsi, donc Allah jure par le soleil. Wa shamsi wa duhaha, par le soleil et son duha. Ad-duha signifie le début du jour. Donc Allah l'a appelé son duha parce que c'est le fait du soleil qui donne ad-duha, le début du jour. Donc Allah jure par le soleil et le début du jour. Wa shamsi wa duhaha wa al-qamari idha talaha. Et je jure par la lune lorsqu'elle le suit, lorsqu'elle suit le soleil. C'est-à-dire que quand le soleil se couche, c'est la lune qui prend le relais pour éclairer. Ou alors également parce que ce qu'on appelle les manazils, c'est-à-dire les stations, entre guillemets, ou les endroits ou les moments où se lève la lune, succèdent à ceux du soleil. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا, par le jour lorsqu'elle le Jallaha, c'est-à-dire Adharaha. Par le jour, Allah jure par le jour lorsqu'il montre le soleil, c'est-à-dire lorsqu'il met en avant le soleil. C'est comme si le jour montre le soleil et la nuit cache le soleil. Donc par le jour qui la montre, Wallayli Iza Yarshaha. Donc à chaque fois, le Ha à la fin revient au soleil, qui a été cité au tout début. Wallayli Iza Yarshaha. Donc, et je jure par la nuit lorsqu'elle le recouvre. C'est comme si la nuit, elle cache le soleil. Le jour montre le soleil et la nuit cache le soleil. وَالْلَيْلِ إِذَا يَرْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Ensuite, Allah jure par le ciel. وَالسَّمَاءِ, et je jure par le ciel. وَمَا بَنَاهَا. مَا بَنَاهَا, on peut le comprendre de deux façons. مَا peut être dans le sens de مَن. وَالسَّمَاءِ وَمَن بَنَاهَا. Donc c'est qui مَن بَنَاهَا? C'est Allah. C'est-à-dire qu'Allah jure par le ciel et par lui-même. Et le fait d'utiliser ma au lieu de man, ça existe en arabe. C'est-à-dire la règle générale, c'est qu'on emploie man pour les personnes et ma pour autre chose, les objets, les animaux, etc. Et parfois, on peut faire le contraire, comme par exemple lorsqu'Allah dit « Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa » N'épousez pas ma, c'est-à-dire celle que vos pères ont épousé. Donc ici, ma a le sens de man. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Yani man taba lakum minan nisa. Donc le fait de dire ma au lieu de man, c'est plausible en arabe. Ou alors, le ma ici peut être al-ma al-masdariya. Et al-ma al-masdariya, qu'est-ce que c'est? C'est celle qui, lorsqu'elle est suivie d'un verbe, les deux signifient le masdar. Donc, wa ma banaha. Ça signifierait bina uha, ou plutôt ici wabina iha. Vous avez compris? C'est-à-dire que ma, parfois, elle peut être masdariya. Lorsqu'elle est suivie d'un verbe, en fait, ça signifie le masdar de ce verbe. Exemple dans le verset Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. On peut le comprendre de deux façons. Allah vous a créé et wa ma bima'na. وَالَّذِي تَعْمَلُونَ, comme on l'appelle ce ma, al-mawsoula, comme al-ladhi. C'est-à-dire, on peut le remplacer par al-ladhi dans le sens. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَالَّذِي تَعْمَلُونَ. Allah vous a créé et ce que vous faites. Ou alors, وَمَا peut être masdariya. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ بِمَعْنَا وَعَمَلَكُمْ. Parce que l'amal, c'est le masdar du verbe amila. Donc ici, وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, donc ma banaha peut vouloir dire binaiha. Et je jure par le ciel et sa construction, c'est-à-dire par l'œuvre d'Allah. Allah a juré ici non pas par lui-même, mais par son œuvre. Les deux sont plausibles ici. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, et je jure par la terre et celui qui l'a طَحَاهَا, يعني بَسَطَاهَا, qui l'a étendue, puisqu'Allah a, et c'est un de ses bienfaits envers les êtres humains, il a étendu la terre de sorte à ce qu'ils puissent cultiver, habiter, voyager, et ainsi de suite. Et le ma ici de wama tahaha, on dit la même chose que wama banaha. Ça peut vouloir dire Allah, celui qui l'a étendu, et ça peut vouloir dire, et je jure par la terre et par le fait de l'avoir étendu, qui est l'œuvre d'Allah. Wa nafsin wama sawaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ensuite, Allah jure par an-nafs ou an-nafsin, et je jure par une âme. Ce qui est voulu par là, c'est l'âme de façon, l'âme en général. C'est-à-dire ici, c'est ruh, l'âme qui est le fait que la chose qui, lorsqu'elle se sépare du corps, le corps est quelque chose d'inanimé et n'a plus de vie. Et l'âme qui a des grands signes d'Allah. Puisque justement, c'est lorsqu'elle se sépare du corps que ce corps qu'on voit bouger, parler, ressentir, il perd tout ça par la perte de l'âme, par la séparation de l'âme. Wa nafsin wa ma sawwaha. Sawwa, on l'avait déjà vu dans la surat al-A'la. Alladhi khalaqa fa sawwa. On avait dit sawwa, ça signifie plus ou moins faire quelque chose d'une bonne façon, de la meilleure façon. C'est comme si par exemple quelque chose il est penché et je te dis sawwi, remets-le bien. Donc taswiya, c'est le fait de faire quelque chose de façon harmonieuse, équilibrée, etc. Donc Allah dit qu'il a créé l'âme de cette façon. L'âme humaine est d'une création, entre guillemets, parfaite. Fa'alhamaha, fujuraha wa taqwaha. Et qui lui a, donc il l'a créé, fa'alhamaha, puis lui a inspiré. Alhamaha, du verbe alhama, qui veut dire inspirer. Al-ilham, c'est le fait qu'Allah inspire quelque chose à quelqu'un sans lui apprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui lui explique, ce n'est pas un livre qu'il lit, c'est quelque chose qui est ancré. C'est Allah qui lui met directement en lui. Donc Allah a mis quelque chose dans l'âme directement, sans lui apprendre. Fujuraha wa taqwaha. Fujuraha, c'est-à-dire son péché. Le fujur, c'est le contraire de taqwa. Et sa taqwa, c'est-à-dire sa piété. Donc taqwa, qu'est-ce que c'est? On l'avait déjà expliqué, c'est le fait, plus ou moins, on va dire, d'obéir à Allah, d'éviter ce qu'Allah a interdit. Et donc ici, le fujur signifie le fait de ne pas éviter ce qu'Allah interdit, c'est-à-dire le péché. Et souvent, le fujur, il est utilisé dans le langage commun comme pour désigner spécialement une sorte de péché qui est az-zina. Et souvent, en arabe, le fajir, le zani, on l'appelle fajir. Mais ça, c'est une utilisation. Mais à la base, le mot fujur, il est général. C'est-à-dire quelqu'un qui obéit pas à ses parents, c'est un fajir. Quelqu'un qui ment, c'est un fajir. Ce n'est pas que pour le fornicateur. Donc que veut dire il lui a inspiré son péché et sa piété? Ça signifie qu'Allah, en tout cas c'est comme ça que l'ont expliqué les anciens, qu'Allah a inspiré à l'âme la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que l'âme humaine, il est ancré en elle que ceci est bien et ceci est mauvais. Bien sûr, il y a d'autres choses qu'elle doit apprendre pour savoir que c'est bon ou que c'est mauvais. Mais elle a la notion du bien et du mal. Et donc ça fait partie de cette taswiya. De cette taswiya, c'est-à-dire cette création parfaite qu'Allah lui a donnée. Et c'est en même temps une hujja. C'est-à-dire c'est un argument à l'encontre de l'âme. Parce que l'âme, lorsqu'elle voit le bien, elle le reconnaît. Et lorsqu'elle voit le mal également, elle le reconnaît. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kazzabat thamudu bitarwaha. Donc ensuite, la sourate passe à un autre sujet. Mais il y a un lien entre ce sujet et tous les qasem, c'est-à-dire les serments précédents, qui sont... Hein? Oublié, je crois, qad aflah. Ah, pardon, ouais, voilà. Wa nafsin wa ma, parce que je voulais pas embêter quelqu'un à me ramener le mushaf. Qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Donc, c'est sur tout ce... Allah a juré, barakallahu fik. C'est sur cette phrase qu'Allah a juré. C'est-à-dire, tous les versets précédents, ce sont des serments. Là, sur quoi est-ce qu'Allah jure? Puisqu'un qasem doit toujours être succédé d'un muqsam bi, ou plutôt du muqsam ali, d'une chose sur laquelle on jure. Le muqsam bihi, c'est ce par quoi on jure. Le muqsam ali, c'est ce qu'on dit, il y a pourquoi on jure. Donc ici, le muqsam ali, c'est qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Donc Allah a juré par le soleil, la matinée, le jour, la nuit, le ciel, la terre, etc. L'âme, pour dire, a réussi, qad aflaha, a réussi, c'est-à-dire dans l'au-delà, sera sauvé de l'enfer et destiné au paradis, qui man zakkaha, celui qui l'aura purifié, tazkiya. Donc zakka, en arabe, il peut vouloir dire purifié, il peut vouloir dire également, c'est-à-dire il y a une tazkiya qui est obligatoire et il y a une tazkiya qui est haram. C'est quoi la tazkiya qui est interdite? Fala tuzakku anfusakum. Dans un autre verset, Allah, dans Surat al-Najm, nous dit Fala tuzakku anfusakum. Est-ce que ça veut dire ne purifiez pas vos âmes? Alors qu'ici, il dit a réussi celui qui l'a manzakkaha. C'est le même verbe, mais le sens n'est pas le même. C'est-à-dire qu'en apparence, dans le premier verset, il dit, il interdit de faire tezkiyatun nafs, et dans celui-là, il dit qu'il n'y a que celui qui fait tezkiyatun nafs. En fait, tezkiya ici, voilà, c'est le fait de faire les éloges de sa personne. Fala tuzakku anfusakum, c'est-à-dire ne dites pas que vous êtes des élus d'Allah, ne dites pas que vous êtes promis au paradis, ne dites pas, comme disait Al-Kitab, nous sommes abna'ullah wa ahibba'u, nous sommes les enfants d'Allah et ceux qui l'aiment, etc. Cette tazkiya-là, elle est interdite. Et la tazkiya qui est obligatoire, c'est dans le sens de la purification. Puisque az-zaka signifie la purification. Donc, aura réussi celui qui la purifie. Et ici, encore une fois, man zakkaha, on peut le comprendre de deux façons. Man zakkaha, ça peut être l'individu a réussi celui qui la purifie, c'est-à-dire celui qui purifie son âme. Et le fa'il, il peut être Allah ici. Qad aflaha man zakkaha. Et le fa'il, c'est Allah, c'est-à-dire « man zakkallahu nafsahu » a réussi celui dont Allah a purifié l'âme. Il n'y a pas de contradiction. En vérité, le verset, il comprend les deux, puisque forcément, celui qui cherche à se purifier, il fait des causes, mais l'effet, le fait de purifier réellement son âme, c'est Allah qui le fait. Donc, de quoi purifier son âme ? Eh bien, des fausses croyances, des hérésies qui n'ont rien à voir avec la religion, de la rancœur, de la jalousie, des maladies du cœur, du péché, des shahawat, etc., etc., de beaucoup de choses. C'est-à-dire tout ce qui est interdit, l'être humain doit en purifier son âme pour réussir. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا خَابَ يَعْنِ خَسِرَ et aura perdu مَنْ دَسَّهَا دَسَّهَا ça veut dire enfouir. Enfouir quelque chose dans la terre, par exemple. Donc aura perdu celui qui l'enfouit. C'est-à-dire qui enfouit son âme dans les péchés, dans le mal, dans l'injustice, etc. Donc pourquoi Allah dit Mandassaha ? C'est comme pour montrer que l'âme à la base, Allah l'a honorée. Et donc celui qui vient à causer sa propre perte en désobéissant à Allah, en associant à Allah, en reniant Allah, etc., eh bien en fait il a rabaissé sa personne. Il a rabaissé son âme. Et il l'a comme enfoui et traîné dans les bassesses et dans la poussière. Ensuite, donc, je vous disais, la sourate passe à un autre verset. Et la sourate, elle nous montre l'importance de tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, qui est un sujet extrêmement important, la purification de l'âme, et sur lequel les savants musulmans ont toujours écrit, et sur lequel ils ont toujours parlé. Le fait de cet exercice qui est le fait de purifier son âme, et qui comporte plusieurs choses, comme al-muhasaba, le fait de se demander des comptes à soi-même, al-muraqaba, le fait de penser au regard d'Allah. Al-sabr, le fait de patienter. Al-mujahada, le fait de combattre sa personne. Si vous regardez rien que dans Riyad Salihin, vous trouvez ces chapitres-là, par exemple. Donc la sourate ensuite passe à un autre sujet, le sujet de Thamoud, mais il y a un lien avec la première moitié de la sourate, qui est que Thamoud sont un exemple de ceux qui ont enfoui leurs âmes dans les bassesses et dans la mécréance. Alors que la vérité leur était apparue claire comme le soleil par lequel Allah a juré au début de la sourate. Donc que dit la suite de la sourate ? Kazzabat Thamoudu bi tahwaha. Kazzabat Thamoud. Thamoud a démenti, c'est-à-dire ils ont démenti le message d'Allah, ils ont démenti le prophète d'Allah Salih, alayhi salatu wassalam, bi tahwaha, dans sa transgression. C'est-à-dire c'est son orgueil, c'est le fait de se croire au-dessus du prophète, au-dessus de la vérité, qui les a poussés à démentir. Tarwaha, yani turyaniha. Izim ba'atha ashqaha. Lorsque le plus malheureux d'entre eux, ashqaha, ha. Ça revient à qui ? Non, à Thamoud. Ashqa, ça veut dire ashqi, c'est le malheureux. Ashqa, le plus malheureux. Ashqaha, le plus malheureux d'entre eux. Le ha, il renvoie à Thamoud, à la tribu de Thamoud. Idhin idh, c'est-à-dire lorsque, in ba'atha. In ba'atha, ça veut dire, c'est comme, in ba'atha, c'est-à-dire faire une action, se lever pour faire quelque chose, se porter volontaire. Yani in tadaba, c'est lui qui s'est porté volontaire et qui s'est engagé à faire une action, c'est-à-dire à tuer la chamelle, en l'occurrence. Donc, Ashqaha, ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, l'a nommé. il l'a appelé Qudar ibn Salif. Ce Ashqa, il s'appelait Qudar ibn Salif. Donc, Idhin ba'atha Ashqaha. Donc, Allah l'a qualifié de Ashqaha. C'est-à-dire, ils étaient tous Ashqiya, malheureux. C'est-à-dire, destinés au malheur. Mais lui, il était l'Ashqa. Parce que c'est lui qui a. C'est lui qui, par ses mains, a commis le mal. Et les autres étaient, ont acquiescé. Et il est rapporté que par Qatada, que, rahimahullah, qu'il n'a fait ce qu'il a fait qu'après avoir pris le serment et de tout Thamoud, hommes et femmes, tous sont venus lui prêter serment pour dire qu'ils étaient d'accord avec lui, avant qu'il tue la chamelle. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ Donc, le messager d'Allah leur a dit, نَاقَةَ اللَّهِ La chamelle d'Allah. Ici, bien sûr, il y a un verbe qui est sous-entendu. Puisque naqata, il est mansoub. S'il est mansoub, ça veut dire qu'il est maf'oul bihi. Il y a un verbe qui est sous-entendu. Yani, ihdharu naqata Allah wa ihdharu suqiyaha. Méfiez-vous de la chamelle d'Allah. Dans le sens, méfiez-vous de comment vous traitez la chamelle d'Allah. Faites attention à la chamelle d'Allah. Wa suqiyaha. Suqiya, c'est-à-dire le fait d'abreuver. Donc, suqiyaha est le fait de l'abreuver. En fait, pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont demandé un signe à Salih, alayhi salatu wassalam, Allah leur a donné un signe qui était une chamelle immense. Mais il leur a donné une condition à respecter, qui était que ils devaient s'abreuver de l'eau, leur point d'eau, un jour, et laisser la chamelle s'abreuver l'autre jour. Mais le jour où eux-mêmes s'abreuvaient, ils avaient un autre bénéfice, c'est que la chamelle, elle leur donnait un lait abondant. Donc c'était à la fois un signe et à la fois une ni'ma pour eux. Mais ils l'ont démenti et ils l'ont renié par orgueil. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à ce à quoi les appelait Salih, qui était U'budullah ma lakum min ilahin ghayrou. Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. En fait, ils n'ont pas voulu délaisser leur divinité qu'ils adoraient. Donc il leur a dit, prenez garde à la chamelle d'Allah et à bien l'abreuver. Fakadhabouhu. Donc, mais ils le démentirent. Fakadhabouhu, fa'aqarouha. Et ils la tuèrent. L'aqr, c'est al-dhabh. Ça a des noms de al-dhabh, dans le fait de tuer une bête. Donc, ils le démentirent et la tuèrent. Donc, comme je vous ai dit, c'est le Ashqa qui a été cité, c'est lui qui l'a tué par ses mains, avec l'accord de toute la tribu de Thamoud. Donc, c'est en faisant ça ils ont démenti. C'est-à-dire qu'ils ont démenti en commettant cet acte. Et bien sûr, ça a été précédé par le démenti du cœur. Ils l'ont démenti au fond d'eux, puis ensuite ils l'ont démenti par les actes. Donc on voit que at-takdhib peut être par les actes, comme at-tasdiq peut être par les actes. Dans l'histoire d'Ibrahim, lorsqu'il a fait le rêve et qu'il l'a mis en pratique, qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Qad saddaqta ar-ru'ya. Ici, saddaqta, tasdiq, comment on va le traduire? Croire. Croire en quelque chose. Croire dans son cœur que c'est vrai. Mais Allah lui a dit ça à quel moment? Après qu'il y ait cru, il a cru au rêve qui lui a été révélé, mais il l'a réalisé, il l'a mis en pratique. Là, Allah lui a dit saddaqta. Comme quoi, le tasdiq, ce n'est pas juste de croire, mais c'est également d'agir en conséquence. Donc ici, c'est la même chose. Kazzabouhu fa'aqarouha. Ils ont démenti et ont tué la chamelle. Fadamdama. Damdama, ça signifie atbaqa. Comme quand on dit atbaqa al-bi'r, c'est comme si on bouche un puits. C'est-à-dire qu'il a, je ne sais pas comment on peut dire, damdama alayhim, c'est-à-dire il a fait descendre sur eux le châtiment. Et ce châtiment, c'était de deux sortes. C'était as-sayha, le cri, et al-rajfa, le tremblement. Fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim. Donc Allah les a châtiés, les a anéantis, bidhanbihim. Donc pas par injustice, mais à cause de leurs péchés. C'est pour leurs péchés qu'Allah les a anéantis. Fa sawaha. Ici, comment ils ont expliqué sawaha? Yani ja'alahum sawa'an fil adab. C'est-à-dire qu'il les a tous punis au même niveau. Et le châtiment, il est descendu sur eux tous au même niveau. Pourquoi? Justement pour ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Parce que tous ont acquiescé pour que Qudar ibn Salif tue la chamelle. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Et il ne craint pas, il n'en craint pas les conséquences. عُقْبَا, c'est la conséquence. عُقْبَاهَا, le ha ici, il renvoie à au châtiment. Et Allah ne craint pas les conséquences de cela. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se venge de ses ennemis, il punit ceux qui le démentent, et lui, il n'a à craindre de personne. Et également, la yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Il ne craint pas qu'on l'interroge sur ce qu'il fait, puisque personne n'interroge Allah sur ce qu'il fait, mais c'est lui qui interroge les autres. Donc voilà globalement le sens de la sourate Ash-Shams. Tu peux le remettre, s'il te plaît, Jamie. Alors la page c'est 35, tout en bas de la page 35. Donc la dernière fois on avait parlé de shurut al-wudu, les conditions de l'wudu, les choses qui font que sans elles l'wudu ne peut pas être valable. Et en dessous, tout en bas de la page, on aurait dû le lire la dernière fois, parce que c'est juste une ligne, il dit mujibul wudu, mujibuhu huwa wujudul hadath. Bon, ça c'est facile, on l'a déjà expliqué. Qu'est-ce qui oblige l'wudu? Qu'est-ce qui fait que l'wudu est wajib? C'est le hadath. Si quelqu'un il est déjà tahir, il est déjà ala wudu comme on dit, ben, il n'est pas obligé de faire l'wudu. Donc qu'est-ce qui oblige l'wudu? C'est le hadath. Le hadath, c'est-à-dire le fait de perdre l'wudu, le fait d'uriner, etc. Soit donc le hadath, on peut dire c'est le fait de perdre l'wudu, ou alors c'est l'état. Vous vous souvenez de ça? Le hadath, il peut désigner l'état de l'être humain, qui est qu'il n'est pas en état de purification. Donc l'être humain, on l'appelle muhdith. Et le hadath, c'est un mot qui désigne aussi l'action de perdre l'eau. Donc par exemple, uriner, c'est un hadath. Donc là, on prend la page suivante. Furud al-wudu. Furud al-wudu. Donc furud, bien sûr, c'est le pluriel de fard, les obligations de l'ablution. Dans le fiqh hanbali, on fait la différence entre furud al-wudu et wajibat al-wudu. Furud al-wudu, les obligations des ablutions, et wajibat. Pourtant, furud et wajibat, ça veut dire la même chose. Mais en quoi est-ce qu'ils font une différence? En fait, wajibat al-wudu, ils appellent wajibat al-wudu. D'ailleurs, il n'y a pas été cité ici. Et la logique, puisque c'est en fait, je vais vous expliquer, wajibat al-wudu, c'est le basmala, c'est-à-dire bismillah dans le wudu, dans le fiqh hanbali. Donc il n'y en a qu'un, en fait. Wajibat al-wudu, il n'y en a qu'un. Pourquoi je vous dis il a oublié de le citer, ou alors ils ont oublié de l'écrire, ou je ne sais pas? Parce que dans le rousl, il dit que bismillah fait partie de wajibat al-rousl. Donc s'il le dit dans le rousl, a fortiori, il doit le dire ici. Donc ça a été, soit le cheikh l'a oublié, soit c'est une erreur d'imprimerie, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, pourquoi ils font une différence entre furud al-wudu et wajibat al-wudu? Parce qu'ils disent que al-basmala, dire bismillah, si on l'oublie ou si on ne sait pas que c'est obligatoire et qu'on fait l'wudu, l'wudu est quand même valable. Donc une chose comme ça, on ne peut pas en dire fard. On dit que c'est un wajib. Comme dans la salat. Dans la salat, ce qui est wajib, si on l'oublie, on fait deux prosternations à la fin et la prière, elle est valable. Donc si la validité, elle en dépendait complètement, on ne pourrait pas dire simplement wajib. Cependant, nous, on va retenir que de toute façon, dire bismillah, c'est simplement recommandé. Dans le wudu, ce n'est pas obligatoire et on va le voir par la suite. Donc il dit furud al-wudu. En fait, furud al-wudu, ce sont principalement ceux qui sont cités dans la surat al-Ma'ida. La base du sujet de l'wudu, c'est la surat al-Ma'ida. Le verset, si je ne me trompe pas, 5. Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salati. Ô vous qui avez la foi lorsque vous vous levez pour la salat, farsilou, wujuhakum, alors lavez vos visages, wa aydiyakum ila al-marafiq, vos mains jusqu'au coude, wa msahou bi ru'usikum, passez les mains mouillées sur vos têtes, wa arjulakum, et lavez vos pieds ila al-ka'bay, jusqu'aux chevilles. Donc là, on a les furud indiscutables. Donc il dit furud al-wudu'i sitta. Les obligations des ablutions sont au nombre de 6. Al-awwal, Raslul Wajhi, Walfami, ou plutôt Walfam Wal Anfu Minhu. En fait, c'est une nouvelle phrase qui commence. Il dit Raslul Waj, virgule, Walfam Wal Anfu Minhu. Donc il dit le lavage du visage. Et il dit et la bouche et le nez en font partie. Donc le visage, en arabe, sa délimitation, c'est manbiti al-sha'r al-mu'tad, c'est-à-dire de là où les cheveux poussent habituellement, c'est-à-dire le haut du front. Donc si quelqu'un, ses cheveux, ils poussent plus bas, il ne dit pas, bah, il y a des cheveux, donc je dois juste faire ça. Non, il lave. Et si quelqu'un, ses cheveux, ils poussent plus haut, il ne doit pas laver la partie qui est au-dessus. C'est-à-dire, il n'y a pas question, est-ce qu'il y a les cheveux ou il n'y a pas les cheveux? C'est-à-dire, chez l'être humain, où est-ce que les cheveux, ils poussent habituellement? C'est-à-dire le haut du front, le jabba. Donc ça, c'est la limite. Et la limite, c'est Waman hadara, man hadara. C'est-à-dire ça, en arabe, ça s'appelle al-lahi. Donc les deux, al-lahyan, ou al-dhaqn. Donc on dit man hadara, ça veut dire ce qui fait ça, de al-lahyaini ou al-dhaqn. C'est-à-dire les mâchoires et le menton, c'est-à-dire compris. Les mâchoires et le menton compris. Et en largeur, min al-udhuni ila al-udhuni, de l'oreille à l'oreille, donc avec al-bayad, le blanc qui est entre la barbe et l'oreille, il est compris dedans. L'oreille, non, mais il faut bien laver jusqu'à l'oreille. Après, il y a d'autres choses aussi qu'on peut. C'est-à-dire que dans le ras l'ouadj, il faut bien laver ses sourcils, il faut bien laver la moustache, les différentes parties du visage, comme par exemple ici, etc., etc. Ça, il faut bien le laver. Il y a une partie de cheveux, ça c'est plus ou moins fort chez certaines personnes, qui parfois rentre dans le visage. Celle-là, elle n'est pas comprise dedans. On appelle ça tahvifa. Parfois, il y en a, ça va loin comme ça ici, les cheveux. Ça, c'est pas compris dedans. Et à l'inverse, ici, le blanc qui augmente plus on vieillit, les cheveux, ils reculent ici, dans le coin. Ben donc, ça fait partie de la tête après. Ça fait plus partie du visage. Donc, il faut pas le laver non plus. On dépasse pas le haut du front. Et la barbe, mastarsala, on dit en arabe, mastarsala, ce qui tombe, minal lihya, fait partie du visage aussi. Pourquoi? Parce que quand on fait face à quelqu'un, on fait face avec son visage et sa barbe. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle al-wajh. Donc quand on lave son visage, il faut laver tout ça. Et qu'est-ce que ça veut dire laver? Laver, on avait déjà expliqué, c'est prendre de l'eau et le passer, le faire couler. Et que l'eau passe bien partout. Et quand on dit laver la barbe, c'est-à-dire que yani al-murad dhahirul lihya. Ce qui est voulu par là, c'est al-dhahir, c'est-à-dire ce qui est apparent. Ça signifie que quand je vais laver mon visage, je prends de l'eau, je fais comme ça, et je passe mes mains comme ça sur ma barbe. Mais je ne suis pas obligé de rentrer dedans. C'est le zahir qu'il faut laver, c'est-à-dire l'apparent. Donc il ne m'est pas demandé que l'eau touche la peau qui est en dessous. Parce que à partir du moment où ma barbe elle recouvre mon visage, c'est ma barbe le wajh, c'est pas la peau qui est en dessous. Par contre, si j'ai une barbe tellement fine que la peau apparaît, alors la peau c'est elle, le wajh. Donc là, à ce moment-là, oui. Il faut bien que l'eau touche la peau. Pour ceux qui ont des barbes vraiment très fines, qu'il faut qu'en fait on voit la peau. Donc à ce moment-là, le wajh, c'est la peau. Donc le wajh, c'est ce qu'on voit. Donc ce qui doit être lavé, c'est ce qu'on voit. Il dit, wal famu wal anfu minhu. Et la bouche et le nez en font partie. Pourquoi la bouche et le nez en font partie? Donc bien sûr, il faut toujours signaler pour qu'on sache que si on voit quelqu'un qui ne le fait pas ou si on discute avec quelqu'un, qu'on sache que c'est une mas'ala khilafiyya. C'est une question dans laquelle il y a une divergence entre les quatre imams eux-mêmes. Donc pourquoi l'imam Ahmed rahimahullah dit notamment que la bouche et le nez font partie du visage? Eh bien parce que, certes, le verset n'a pas cité la bouche et le nez, mais aucun des hadiths qui décrivent les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam nommait de dire qu'il a lavé la bouche et le nez. Le hadith de Othman, le hadith de Ali, le hadith de Abdullah ibn Zayd ibn Asim, le hadith d'Ibn Abbas, il y a également le hadith de Ar-Rubayy' bint Muawiz. Il y a plusieurs hadiths qui décrivent les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les plus authentiques, c'est les trois premiers: Othman, Abdullah ibn Zayd et Ali. Et ils sont dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Et même certains dans le Muwatta. Dans chacun de ces hadiths, il est bien précisé qu'il a lavé sa bouche et son nez. Donc, même si la bouche et le nez ne sont pas cités dans le verset, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par ses actes, nous a montré qu'ils étaient compris dedans. C'est comme ça qu'on comprend que c'est obligatoire. C'est-à-dire que le verset, il dit le wajh. Vient la question, est-ce que la bouche et le nez en font partie ou pas? Eh bien, ce qu'on voit de la sunna, c'est qu'il l'a toujours fait, donc ça nous montre que ça en fait partie. Également, ils disent par exemple que, après, il y a certains qiyas qui peuvent appuyer ça. Par exemple, quand on jeûne, si quelqu'un y met de l'eau dans sa bouche et il la recrache, est-ce que son jeûne est cassé? Son jeûne n'est pas cassé. Ça prouve que l'intérieur, il a le jugement de l'extérieur. Et donc, ça fait partie du visage. S'il fait passer de l'eau dans son nez, il la rejette, son jeûne n'est pas interrompu. Donc ça prouve que ça a le même jugement que s'il fait passer de l'eau sur ses joues. Alors que s'il le fait passer plus loin, son jeûne est interrompu. Bon, ça, c'est des raisonnements qui s'ajoutent à ça. En plus des hadiths également, on trouve certains hadiths. Il y a des hadiths qui obligent ou qui donnent l'ordre de laver le nez, de laver la bouche quand on fait le wudu. الثاني غسل اليدين إلى المرفقين. Donc je regarde est-ce que le cheikh il généralement dans les livres de fiqh il vous explique furud al-wudu, sunan al-wudu, makruhat al-wudu et après il rajoute sifatul wudu. Pour réitérer, il vous dit la description de l'wudu. On cite les obligations, on cite ce qui est recommandé, mais à un moment on veut savoir concrètement comment on fait le wudu. Donc souvent dans le fiqh il rajoute ce point-là, là il ne l'a pas rajouté. Donc pour al-mandmanda c'est le lavage de la bouche, ou al-istinshaq qui est le lavage du nez. Eh bien ça, leur définition c'est de faire rentrer l'eau dans la bouche, de la faire tourner un minimum et de la recracher. Si on a fait ça, on a fait le mandmanda. Et l'istinshaq c'est de faire passer l'eau dans le nez et de la rejeter. La rejeter, on appelle ça al-istinthar. Donc il n'est pas demandé que ce soit fait en profondeur, mais c'est recommandé. Mais si on le fait simplement au début du nez, donc c'est valable. Athani, ghaslul yadayni ila al-mirfaqayn. Deuxièmement, le fait de laver les mains jusqu'au coude. Les mains ici, on entend par là. Donc le mot yad en arabe, il peut vouloir dire la main jusqu'ici, il peut vouloir dire jusqu'ici, il peut vouloir dire jusqu'ici, il peut vouloir dire tout le bras. Donc Allah ici dans le Coran a précisé. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Et le coude est compris. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe, quand tu parles d'une chose et tu dis ila jusqu'à, la chose dont tu dis jusqu'à, donc ici le coude, est-ce qu'elle fait partie de la chose dont tu parles? Ici la chose dont tu parles c'est quoi? Aidiyakum, les mains. Est-ce que le mirfaq en fait partie ou pas? Dans la langue arabe, oui. Dans la langue arabe, l'yad ça peut être jusqu'ici, jusqu'à l'épaule. Donc comme ça en fait partie, ça rentre dedans. Parce qu'en arabe, quand on dit ila, est-ce que ce qui est après ila, il est compris dedans ou pas? Quand Allah nous dit par exemple, thumma atimmu siyama ila al-layl, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Jusqu'à la nuit, est-ce que ça veut dire que par exemple, quand le soleil se couche, on attend une petite minute ou on jeûne encore pour que la nuit elle soit dedans? Là, non. C'est-à-dire, dès que la nuit arrive, on peut rompre le jeûne. Pourquoi? Parce que la nuit et le jour, c'est deux choses différentes. Donc là, ce qui est après ila, il ne rentre pas dans ce qui est avant. Mais quand on parle d'une même chose, là c'est le cas Aïdiyakoum, et qu'on dit Ila, ce qui est après va rentrer dans ce qu'il y a avant. Donc le coude, il faut le laver avec, et c'est ce qui est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lavait ses coudes. Par contre, la chose qui est très importante, c'est que, comme on va le voir par la suite, la sunna dans le wudu, c'est qu'au début des ablutions, on lave ses mains trois fois jusqu'ici. Et ça, c'est simplement recommandé. On peut le faire une fois, on peut le faire deux fois, on peut le faire trois fois. Le problème, c'est qu'il y a des gens, donc ils font ça, ils lavent les mains trois fois, après il fait sa bouche, il fait son nez, il fait son visage, et quand il arrive au fard, il commence d'ici, jusqu'ici, en se disant, bah, les mains, je les ai déjà lavées. Eh bien non, les mains, tu les as lavées, c'était une sunna de sunan al-wudu, quelque chose de recommandé. Là, tu es au fard. Le fard, c'est de laver la main de là jusque là. Si tu relaves pas ta main, l'eau il n'est pas valable. L'eau pas valable, donc salat. Pas valable, etc. etc. Et quand je dis ça, après, il y a plusieurs personnes qui viennent me dire effectivement, je faisais ça. Donc, c'est quelque chose que certains y font. Il faut faire attention. Donc, laver, encore une fois, qu'est-ce que ça signifie? C'est de bien prendre l'eau et de la passer sur le membre en question. C'est pas simplement le masah. Al-thalithu masahu al-ra'si wa minhu al-udhunan. Troisièmement, il dit « masḥ al-ras ». Donc là, on parle de « masḥ », passer les mains mouillées sur « al-ras ». Donc, qu'est-ce qu'on entend ici par Arras? Ben, la fin du visage, jusque avant le Qafa. Qafa, c'est ça, la nuque, l'arrière du cou. Donc, avant ça. Donc, le reste de la tête. Et si jamais quelqu'un il a des cheveux longs, ou bien les femmes par exemple, elles ne doivent pas faire le masque des cheveux longs. Parce que les cheveux qui tombent, ils ne font pas partie de la tête. Contrairement à la barbe, quand elle tombe, elle fait partie du visage. Mais la tête, c'est la tête. Ce n'est pas question de voir la tête ou pas voir la tête. La tête, c'est juste la tête. C'est-à-dire que ça s'arrête ici. Donc les cheveux qui tombent, il ne faut pas les, faut pas faire le masque dessus. Donc masque au ras, et comme vous le savez, la sunna dans masque au ras, c'est qu'on le fait, entre guillemets, aller et retour. C'est-à-dire on fait jusqu'à avant la nuque et on revient. Et masque au ras, il diffère du reste de l'urdu, où il n'est pas légiféré, il n'est pas demandé de le faire plus d'une fois. Contrairement aux autres membres de l'urdu. Et il n'est jamais rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il l'ait fait plus d'une fois. Sauf dans un hadith munkar rapporté par Abu Daoud, rahimahullah. Donc mas'hur ras, il dit wa minhul uzunan. Et les deux oreilles en font partie. C'est-à-dire il est obligatoire également de faire le mas'h des oreilles. Ça, si vous voulez, c'est le madhab, ce qu'on appelle al-mu'tamad, chez les Hanabila. Mais nous, on va retenir que Mas'hul Uzunayn, c'est juste mustahab, c'est juste recommandé. Pourquoi? Parce que l'imam Ahmed lui-même, rahimahullah, il n'est pas rapporté clairement de lui que le fait de faire le mas'h des oreilles, ça serait obligatoire. Et quand on regarde les anciens, c'est un avis qui est isolé. C'est-à-dire tous les imams des anciens étaient d'accord pour dire que Mas'hul Uzunayn, c'est juste recommandé. À part Ishaq ibn Rahawi. Et beaucoup de fuqaha disent le Ijma', il existait avant lui. C'est-à-dire le ijma, il était déjà là, avant que Ishaq il dise que c'est obligatoire de faire mas'h al-udhunay. Donc en réalité, c'est simplement recommandé. Qu'est-ce qui appuie que c'est recommandé? Eh bien, c'est que justement, dans tous ces hadiths qui rapportent l'urdu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la majeure partie d'entre eux, le fait de passer les mains, enfin les doigts sur les oreilles, n'est pas rapporté. C'est rapporté dans un hadith d'Ibn Abbas. Et également, il y a un hadith qui dit « Al-udhunani min al-ras ». Les oreilles font partie de la tête. Donc les oreilles font partie de la tête, c'est un hadith sur lequel il y a énormément de discussions entre les savants du hadith eux-mêmes. Et dont la plupart des anciens disent que c'est un hadith qui n'est pas authentique. Et quand bien même il serait authentique, ben il veut dire simplement que si on veut faire les oreilles dans les ablutions, on ne les lave pas avec le visage, mais on les msah, je ne sais pas comment on pourrait dire autrement, avec la tête. D'accord? Et qu'il ne faut pas les laver. Elles ne font pas partie du visage. Elles font partie. Si on les met dans l'urdu, on fait le mas'h. Et le mas'h, il est rapporté dans le hadith d'Ibn Abbas. Il l'a détaillé en disant que bien, il faisait l'intérieur avec l'index et l'extérieur avec le pouce. À faire une seule fois, bien sûr. Al-rabi'u raslu rijlay. Le quatrième, c'est le fait de laver les pieds. Donc les pieds jusque al-ka'bayn. Quand on dit le ka'bayn dans le verset, ça veut dire pour un pied. Les deux chevilles. C'est pour ça qu'il n'a pas dit il al-ki'ab. Il a dit arjulakum, vos pieds. Donc normalement on dit il al-ki'ab. On met les chevilles au pluriel. Mais il a dit il al-ka'bayn. C'est-à-dire pour chaque pied jusqu'aux deux chevilles. Pour pas qu'il y ait de confusion au niveau du mot ka'b. Donc ça doit englober tout le pied et les chevilles comprises. Qala ta'ala. Donc ensuite il a cité le verset que je vous ai cité tout à l'heure. Al-Khamis. Donc là, on a fini avec les endroits qui doivent être englobés dans l'eau, obligatoirement. Et là, il va rajouter deux points. Al-Khamis al-Tartibu. Le cinquième, c'est Tartibu. C'est-à-dire l'ordre. Il faut respecter l'ordre. Dans le sens où si quelqu'un fait les ablutions à l'envers, par exemple, il lave ses pieds d'abord, ses mains après, ses ablutions ne sont pas valables. Li'anna Allah jalla tha'nuhu. Jalla sha'nuhu dhakarahu murattaban wa adkhala mamsuhan bayna maghsulayn. Là, il a cité l'argument. Pourquoi on peut dire que tartib, c'est un fard? C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de laver le visage, de laver les mains. Et ensuite, il a dit wamsahu ru'usakum. Il a parlé de faire le masr sur la tête. Wa arjulakum. Et ensuite, il a redit de laver. Donc, il a cité deux choses qu'on lave, puis une chose sur laquelle on passe simplement les mains, puis une chose qu'on lave. Donc si il n'a pas cité tout ce qu'on lave d'abord, et tout ce sur quoi on fait le mas après, c'est qu'il y a un but. Le but, c'est tartib. Et également parce que, ben, tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait les ablutions autrement que dans l'ordre qui est connu. As-sadisu al-muwalatu li fi'li an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dhalik. Sixièmement, al-muwala. Al-muwala, ça signifie faire les ablutions sans interruption. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'interruption dans les ablutions? Ça, on revient à ce qu'on appelle al-urf, l'usage. C'est quelque chose qui n'est pas délimité, c'est plus ou moins. Donc, par exemple, si quelqu'un il fait le wudu, il est en plein dans les ablutions, son enfant il toque à la porte de la salle de bain, il ouvre et il continue le wudu, là, il n'a pas coupé ses ablutions. Par contre, si son portable il sonne, il décroche et il parle 5 minutes, là, il a coupé le wudu. Donc, c'est quelque chose qui est approximatif. Donc, al-mu'alat, ça signifie que le wudu doit être fait à la suite. On ne peut pas laver le visage maintenant et les mains dans 2 heures. Ça peut vous sembler étrange, mais c'est-à-dire comprendre pourquoi certains ont dit que le mu'alat n'est pas obligatoire. Ça peut vous paraître un peu bizarre. Comment ça, j'ai le droit de laver mon visage maintenant et les bras dans 2 heures et c'est le wudu? Parce que ceux qui ont dit ça, c'est pour qu'on comprenne pourquoi. C'est pas quelque chose de fou entre guillemets. C'est parce qu'ils considèrent qu'en fait, al-wudu yatajazza. Al-wudu, c'est-à-dire quand tu laves ton visage, tu as enlevé le hadath de cette partie du corps. Quand tu laves tes bras, tu as enlevé le hadath de cette partie du corps. Donc en fait, ce qui t'est demandé, c'est d'enlever le hadath à chaque partie. Et une fois que tu as fini, le hadath il part. Donc tu peux enlever une partie maintenant, une partie dans 2 heures, etc. Et le Hanabila eux-mêmes, qui disent que le mu'alat est obligatoire pour l'wudu, ils disent qu'elle ne l'est pas pour le rousse. C'est-à-dire que quand tu fais le rousse, tu peux laver, par exemple, le bas de ton corps maintenant, et dans 2 heures, laver ta tête. Pourquoi? Dans le sens où, en fait, tu dois enlever le hadith. Donc tu l'as enlevé en partie. Bah, si dans 2 heures, tu laves la tête, tu as enlevé le reste. Vous voyez un petit peu? C'est pas si étrange et si fou que ça paraît au premier abord. Ensuite, il dit sunanul wudu. Donc sunan, pluriel de sunna. Donc on avait bien expliqué que le mot sunna dans la religion, il ne veut pas dire ça. Le mot sunna dans la religion, il veut dire la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça englobe tout l'islam. La croyance, le comportement, ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire, les interdits, etc. Mais dans le fiqh, les fuqaha, ils ont pris l'habitude d'appeler sunan al-mustahabbat, les choses qui sont simplement recommandées. Donc là, ils citent sunan al-wudu. Donc vous pouvez ajouter al-basmala, dire bismillah. Donc dire bismillah, c'est quelque chose qui est recommandé dans le wudu. En fait, pourquoi une divergence existe à ce sujet? Sachant que la divergence, elle n'est pas vraiment forte. Hein. C'est-à-dire, entre les 4 imams, Malik, Shafi'i, Abu Hanifa sont d'accord pour dire que dire bismillah, c'est juste recommandé. Et l'imam Ahmed, au sein de son madhab, il y a un khilaf dedans. Mais les imams, les grandes figures de son madhab, eux-mêmes, ils divergent. Et l'imam Ahmed, il n'est jamais rapporté de lui clairement qu'il a dit que dire bismillah est obligatoire dans les ablutions ou la validité des ablutions en dépend. Donc pourquoi cette discussion? C'est par rapport au fameux hadith qui dit « La wudu'a liman lam yafkur ismallahi alayh ». Il n'y a pas d'ablution pour celui qui n'a pas dit le nom d'Allah. Donc c'est à partir de ce hadith que certains ont discuté de ce sujet et que certains ont dit que c'était obligatoire comme c'est rapporté dans le madhab. Dans un avis du madame de l'imam Ahmed rahimahullah. Donc ce hadith, c'est un hadith sur lequel les savants du hadith eux-mêmes ont beaucoup discuté, beaucoup divergé, et dont la majeure partie d'entre eux l'ont rejeté. Certains, même parmi les anciens, l'ont accepté, comme Mohammed ibn Abi Shayba, l'auteur de Al-Musannaf. Donc il existe parmi les anciens ceux qui le prenaient en compte, mais quoi qu'il en soit, la majeure partie d'entre eux ne l'ont pas compris comme une obligation. C'est-à-dire, soit ils ont dit que ce hadith, de toute façon, il n'est pas authentique, ou alors la plupart ont dit que, même s'il était authentique, il indique une recommandation. Pourquoi une recommandation? Parce que, encore une fois, il y a tous les hadiths authentiques qui décrivent l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment les 5 dont je vous ai parlé tout à l'heure, aucun d'entre eux ne cite la basmala. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun hadith qui dit « J'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faire l'ordre et il a dit bismillah ». Il n'existe que ce hadith-là. Et on peut le comprendre aussi d'un hadith qui est rapporté par An-Nasa'i, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons, et il leur a dit Tawadda'u bismillah. Faites l'eau au nom d'Allah. Mais, c'est-à-dire même si on dit qu'il n'y a pas de hadith où le prophète a dit bismillah sallallahu alayhi wa sallam, ou que l'autre hadith qui dit la wudu n'est pas authentique, ça reste tout de même légiféré à l'unanimité des savants. Les savants sont tous d'accord pour dire que c'est au moins recommandé. Pourquoi ? Ben, du point de vue du sens global, c'est-à-dire que bismillah, c'est bon de le dire avant tout, de toute façon, et notamment dans le wudu. Donc on peut rajouter al-basmala. D'ailleurs, dans Furud al-Wudu, il fallait rajouter al-niyya au début. Il n'a pas cité al-niyya, on en a déjà parlé de al-niyya. Ensuite, awwalan al-siwak. Donc, min sunani al-Wudu al-siwak. Donc, il est bon d'accompagner les ablutions par le siwak, que ce soit avant, pendant, au moment où on lave la bouche, on fait le siwak, ou après les ablutions. Et on avait déjà expliqué que al-siwak, il veut dire deux choses. Le mot siwak qui peut vouloir dire miswak, c'est-à-dire l'objet par lequel on fait, on se nettoie la bouche, ou alors il peut vouloir dire tasawuk. Le mot siwak peut vouloir dire l'action de se nettoyer la bouche. Tu parlais de l'intention dans les obligations, mais en fait c'est pas une condition à la base du coup. Tu l'avais cité dans les conditions juste avant. Ah oui, pardon, effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Barakallahu fik. Parce qu'en fait, c'est à la fois les deux. Parce que la niya, si tu veux, elle précède les ablutions et elle reste dedans. Donc c'est vrai que des fois, il a cité dans les furud, des fois dans les shurud, c'est vrai, on l'a déjà dit. Donc c'est vrai. Qu'est-ce qu'on disait ? Le siwa qui peut vouloir dire l'acte de se nettoyer la bouche et il peut vouloir dire l'objet avec lequel on se nettoie la bouche. Donc le siwak ne veut pas dire bâton de harak. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait le siwak avec le bois de harak, qui était déjà utilisé donc, par les Arabes à l'époque. Donc, le plus proche de la sunna, c'est ça. Comme le dit par exemple Ibn Abd al-Barr et autres, c'est que le plus proche de la sunna, c'est d'utiliser le bois de harak. Parce que c'est ce que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il utilisait celui-ci. Mais le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, à différentes occasions, a utilisé autre chose. D'autres bois. Du bois de figuier, si je ne me trompe pas, du bois d'olivier. Donc, c'est déjà arrivé qu'il utilise autre chose. Donc le but, c'est d'utiliser un objet pour se nettoyer la bouche. Quand on fait ça, on a fait la sunna du siwak. Et le mieux, c'est d'utiliser, si on le trouve, le bois de harak. Et la sunna dans le siwak, c'est de laver, plutôt de nettoyer, ses dents, mais aussi sa langue, comme c'est rapporté de Abu Musa al-Ash'ari dans Sahih Muslim. Il est entré chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a vu en train de faire le siwak sur sa langue. Et les gencives également. Après, est-ce qu'il est recommandé de le faire par exemple avec le doigt ou avec du tissu si on ne trouve pas d'objet? Ça, c'est un sujet sur lequel les fuqaha ils discutent et ils divergent. Certains ils disent ben, si vraiment tu n'as pas d'objet pour le faire, tu n'as pas de siwak, tu n'as pas de bâton de harak, tu n'as pas de brosse à dents, tu n'as rien, ben, mieux ça que rien. Mieux vaut le faire avec le doigt, avec une serviette que rien du tout. Ensuite, il dit Raslul kaffayni thalatha. Laver les deux mains trois fois, c'est-à-dire au début de l'ourdeau. En fait, on aurait pu dire Raslul Kaffain tout seul. Parce que Thalathan, c'est une autre sunna encore, le fait de dire trois fois. Trois fois, c'est une autre sunna qui s'applique à tout. Donc là, c'est deux choses différentes. Raslul Kaffain, ça peut être une fois, ça peut être deux fois et ça peut être trois fois. Et c'est d'autant plus recommandé à quel moment ? Quand on se réveille. Quand on se réveille, avant d'entrer les mains dans le récipient, il est encore plus recommandé de laver les mains avant. Avant de rentrer les mains dans le récipient, parce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. C'est-à-dire, quand l'un d'entre vous se réveille, qu'il lave sa main trois fois avant de l'entrer dans le récipient. C'est-à-dire, s'il a un récipient d'eau, il ne met pas sa main directement dedans quand il se réveille. Avant de la laver trois fois, car il ne sait pas où sa main a passé la nuit. Et la majorité des fuqaha considèrent cela comme une recommandation. Et considèrent que c'est une recommandation qui est valable pour le sommeil de la nuit comme pour le sommeil de la journée. Parce qu'ils ont vu que le sens c'était la propreté. Tout simplement. Ce n'est pas un sens inconnu, puisqu'il a dit car il ne sait pas où est passée sa main. Et que ce n'est pas dans le sens où on doit enlever une najasa. Si on devait enlever une najasa, ça serait obligatoire. Donc là, comme c'est juste innahu la yadri. C'est juste un doute, donc c'est juste recommandé. Thalithan, al-mardmadatu al-istinshaq. Donc ça c'est bizarre. Regardez, juste avant dans Furud al-Wudu, il a dit Rasul Waj wal-famu wal-anfu minhu. Et là dans Sunan al-Wudu, il dit al-mardmadatu al-istinshaq. Ben non, al-mardmadatu al-istinshaq, il l'a mis dans Furud al-Wudu en disant wal-famu wal-anfu minhu. Donc on le barre de Sunan al-Wudu, c'est obligatoire. رابعا تخليل اللحية الكثيفة وأصابع اليدين والرجلين. Quatrièmement, il dit le fait de faire التخليل. تخليل, il dit donc de trois choses. Il dit de اللحية الكثيفة, la barbe qui est épaisse. C'est-à-dire que quand on a une barbe qui est épaisse, donc que ce soit celle qui est sur le visage ou celle qui tombe, ce qui est obligatoire, c'est de laver ce qui en est apparent. Mais il est recommandé de passer les doigts dedans également. Donc ça également, c'est basé sur deux hadiths, hadith de Uthman, hadith de Anas, c'est des hadiths sur lesquels il y a des discussions. Mais bon, c'est quelque chose qui reste du domaine du recommandé. Ensuite, et c'est également entre les doigts et entre les orteils. Passer les doigts entre les doigts de la main et entre les orteils. Ça, c'est recommandé. Khamisan at-tayamun, cinquièmement, commencer par la droite, c'est-à-dire dans les mains, dans les pieds. Sadisan al-ghaslatu thaniyatu wath-thalitha, sixièmement, laver deux fois et trois fois. Donc on peut laver une fois, on a fait l'obligation. Deux fois c'est mieux, on peut se contenter de deux fois, et trois fois c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Sabi'an akhdhu ma'in jadidin lil-udhunayn, septièmement, il dit prendre une nouvelle eau pour les oreilles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que quand on a fait mas'h al-ras, il y a de l'eau qui reste sur les mains. Ben, on reprend de l'eau avec les doigts pour faire mas'h al-udhunayn. Et ça, c'est très faible. Ça, il faut que vous mettiez à côté dans les notes que c'est pas une sunna. La sunna, c'est de faire, au contraire, de faire mas'h al-udhunayn avec l'eau qui reste sur les mains après mas'h al-ras. Et d'où est-ce que certains fuqaha ont sorti cette chose-là? En fait, c'est d'un hadith qui est dans Sunan al-Bayhaqi, dans une version qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une nouvelle eau pour ses oreilles, autre que l'eau qu'il avait sur ses mains quand il a fait le masque de la tête. Ça, vous le trouvez dans Boulour al-Maram, vous allez trouver ce que je suis en train de vous dire, juste les hadiths. Et les savants du hadith ont montré que cette version du hadith est une erreur. Et la vraie version du hadith, c'est celle qui est dans Sahih Muslim, qui au contraire montre qu'il n'a pas repris d'eau. Donc au contraire, la sunna, c'est... Et c'est logique puisque les oreilles, comme on l'a dit, font partie de la tête. Donc on ne prend pas une nouvelle eau pour les oreilles. Thaminan ad-du'a ou ba'da al-wudu. Huitièmement, la du'a est le dhikr, on pourrait dire aussi, après l'wudu, qui est Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. On peut ajouter la du'a Allahumma ja'alni min at-tawwabin, waj'alni min al-mutatahhirin. On peut ajouter encore un autre hadith qui existe, comme on dit à la fin des majalis, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. La première que j'ai citée, elle est dans Sahih Muslim, rapportée par Omar. Tasi'an salatu rak'atayni ba'dahu. Neuvièmement, le fait de faire deux rak'a après l'wudu. Donc ça, c'est rapporté de Uthman et de Bilal, radiyallahu anhuma. Donc dans le hadith de Uthman, ce fameux hadith où il a décrit l'wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a décrit le wudu, qu'est-ce qu'il a dit? Ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. J'ai vu le messager d'Allah faire le wudu comme je viens de le faire. Thumma qal, et dire ensuite man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, celui qui fait les ablutions comme je viens de les faire. Thumma salla rak'atayni, puis accomplit deux rak'a. La yuhaddithu fihima nafsahu, sans penser à autre chose. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ses péchés passés lui seront pardonnés. Donc ça montre que il est bon de faire deux rak'a après le wudu. Et également le hadith de Bilal. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Bilal, inni sami'tu khashkhashataka fil jannah amami, j'ai entendu tes pas devant moi au paradis, c'est-à-dire dans une vision, pas dans le waqi', parce que dans le waqi', Bilal il était sur terre. C'est-à-dire dans les hadiths où le prophète décrit le paradis sallallahu alayhi wa sallam, il y a des hadiths où c'est Bil'ain, c'est-à-dire que réellement il a vu, Allah lui a montré le paradis réellement. Et il y a des hadiths où c'était des visions, c'est-à-dire qu'Allah lui montrait en rêve, ou ou même c'est-à-dire qu'il lui montrait sans qu'il y soit. Donc quand il dit par exemple j'ai vu le paradis, j'ai vu Bilal, Bilal il est sur terre à ce moment-là. Donc comment on joint les deux? C'est que c'est une vision. Parfois c'était des visions et parfois c'était concret. Donc ces visions, elles sont des visions bien sûr qui indiquent ce qui va se passer réellement. Ce n'est pas de simples visions. Donc quand il a dit j'ai vu, j'ai entendu tes pas devant moi, et Bilal lui a dit, donc il lui a dit comment tu en es arrivé là? Et Bilal a réfléchi, il lui a dit je pense que c'est le fait que à chaque fois que je perds les ablutions, je fais le wudu et je fais deux rak'a après. Et il lui a dit bihada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'est par ça effectivement que tu as eu ce degré au paradis. Makruhatuhu, les choses qui sont makruha, c'est-à-dire qui sont déconseillées dans le wudu. Ou bien là ça fait un peu long, non? On fera ça la fois prochaine, Inch'Allah. Donc, comme ça, on termine avec les hadiths. Donc, les hadiths qui suivent, il n'y a pas énormément d'explications à dire dessus. Donc, de toute façon, le dernier cours sur le hadith, c'est le plus simple des trois. Pardon ? Alors, c'était le hadith, moi, c'est 1467. Alors, je ne sais pas si tu as les numéros. Quelqu'un est suit avec celui-là? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est 68, je sais pas pourquoi. Alors, dans le hadith suivant, Ibn Hajar dit, rahimahullah, parce qu'en réalité, quand on fait ce genre de cours, la vraie façon de faire, c'est de dire qala al-mu'allif, ou bien qala Ibn Hajar, rahimahullah. Ibn Hajar a dit, parce que c'est Ibn Hajar qui a écrit Boulour al-Marin, et on dit la suite. قال ابن حجر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. Donc ici le prophète dit صلى الله عليه وسلم, il a juré والذي نفسي بيده. Ça c'était une façon qu'il employait beaucoup pour jurer, par celui dans la main de qui est mon nafs, soit c'est-à-dire moi-même ou mon âme. Sur quoi est-ce qu'il a juré? La yu'minu abdun. Abd ici dans le sens quelqu'un, un individu. La yu'min n'a pas l'iman. Donc c'est-à-dire ici l'iman al-kamil, l'iman al-mutlaq, la foi complète. Puisque dans les textes du Coran et de la Sunna, en majeure partie, quand le mot iman est cité, ou quand le mot mu'min est cité, ou le verbe yu'minu, ce qui est voulu par là, c'est le degré de la foi complète que tout muslim devrait atteindre pour entrer au paradis directement. Donc ce n'est pas le contraire de kafir. Pour le contraire de kafir, ce qui va être employé, c'est plus muslim, aslama, yuslim, etc. Donc la yu'minu, c'est-à-dire il n'a pas la foi complète jusqu'à ce qu'il aime pour son voisin ou pour son frère. Ce « ou », ça ne vient pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un doute de celui qui a transmis le hadith. Et les savants, quand ils expliquent ce hadith, ils se basent sur « li'akhi ». Pourquoi? Parce que c'est plus général. « Li'akhi », c'est parce que dans « li'akhi », entre son voisin musulman généralement, dans le cas où il habite dans un pays musulman. « Ma yuhibbu li nafsi », ce qu'il aime pour lui-même. « Muttafaqun ali ». C'est-à-dire que pour une condition, pour avoir la foi complète et pour être un vrai mu'min, dont la foi n'est pas diminuée, dont la foi n'est pas entachée, eh bien c'est d'aimer pour les musulmans, c'est-à-dire de souhaiter pour eux ce que tu souhaites pour toi-même. Donc c'est pas de souhaiter pour eux ce que tu as, c'est de souhaiter ce que toi-même tu souhaites. Parce que tu peux avoir des bonnes choses, mais tu souhaiterais mieux que ça. Et donc également, à l'inverse, tu souhaites qu'ils soient épargnés de ce dont toi-même tu veux être épargné. Donc pourquoi? Parce que la foi qui est dans le cœur, elle peut pas être voisine, enfin elle peut être voisine, puisque on parle pas ici de, on dit pas que si tu es jaloux, tu es un kafir. Mais la foi complète, non, elle peut pas être voisine dans le cœur, elle peut pas être avec la rancœur, la haine, le fait de souhaiter du mal aux musulmans, etc., dans le même cœur, c'est pas possible. Si dans un cœur il y a la rancœur, la haine, etc., c'est que la foi, elle lui a laissé de la place, et donc elle n'est pas complète. Vis-à-vis de la musulmane. vis-à-vis d'un musulman, bien sûr. Donc ici, il a cité quelques paroles que je voulais vous lire. Une parole de Fadhil ibn Iyad, qui a dit, il a dit ça à Sufyan ibn Uyayna. Donc là, c'est un imam qui dit ça à un autre imam. Il dit, « In kunta turidu an yakuna an-nasu mithlak, fama addayta lillahi al-karim nasiha. Fa kayfa wa anta tawaddu annahum dunak. » Il lui a dit, « Si tu souhaites aux gens qu'ils soient comme toi, tu n'as pas fait nasiha, c'est-à-dire tu n'as pas fait ton devoir envers eux. Tu dois souhaiter qu'ils soient mieux que toi. Parce que toi-même, tu veux pour toi être mieux que ce que tu es actuellement. » Donc tu leur veux d'être mieux encore. Et il dit, mais qu'en est-il si tu leur souhaites d'être moins que toi, dounak, d'être en dessous de toi. Donc ça, c'est une obligation. C'est une obligation, il y a les obligations physiques, mais il ne faut pas oublier les obligations qui relèvent de ce qui se passe ici. C'est des obligations également. Ensuite, il a cité une parole de Al-Ahnaf ibn Qais. Al-Ahnaf ibn Qais était un des tabi'in de l'Irak, de Basra. Quelqu'un lui a dit, de qui tu as appris le savoir? Il a dit, de moi. Il lui a dit, l'autre lui a dit, ben comment? Et regardez, qu'est-ce que lui il a entendu par l'ilm. Parce que le ilm qui est le hadith, le fiqh, c'est sûr que l'Ahnaf ibn Qais, il ne l'a pas appris de lui-même. Il ne peut pas l'avoir appris de lui-même. Mais il a voulu attirer l'attention de son interlocuteur sur une branche du ilm. Il lui a dit, qui est le côté spirituel. Il lui a dit, Kuntu idha karihtu shay'an min ghayri lam af'al bi ahadin mithlahu. Il dit, j'avais l'habitude de, si je détestais quelque chose chez quelqu'un, de la part de quelqu'un, eh bien, je ne le faisais pas à quelqu'un d'autre. Si j'aime pas qu'on me fasse telle chose, ben moi-même je ne le fais pas aux autres. Donc j'ai appris de moi-même. J'ai regardé ce que moi j'aime pas qu'on me fasse et je ne l'ai pas fait aux autres. Donc il a appelé ça l'ilm. Quand on lui a dit, d'où as-tu appris l'ilm? Ensuite, il a cité également une autre parole de Ibn Abi Zayd. Celui qu'on appelle généralement Ibn Abi Zayd, c'était un grand imam, on l'appelait Malik al-Sarir, qui est né de mort dans les années 300, si je ne me trompe pas, en Tunisie. C'était un grand imam du Madhab Maliki. Mais ce n'était pas juste un imam du Madhab Maliki en vérité, c'était un imam de l'islam et un imam de la sunna. Il a dit... جِمَاعُ آدَابِ الْخَيْرِ يَتَفَرَّعُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَحَادِيثِ. جِمَاعُ, c'est-à-dire ce qui regroupe, آدَابِ الْخَيْرِ, toutes les politesses, les comportements du bien, se regroupent dans quatre hadiths. Ça, en fait, il y a beaucoup de savants qui ont parlé sur les hadiths autour desquels l'islam tourne. Certains, ils ont dit 3, d'autres, ils ont dit 4, d'autres, ils ont dit 5. C'est-à-dire, ils ont essayé de trouver les quelques hadiths autour desquels l'islam tourne. Donc lui, il a dit en gros que l'islam, il tourne autour de 4 hadiths. En fait, là, plus précisément, il a dit « adab al-khayr », tout ce qui tourne autour du comportement. Et il a dit, donc les hadiths, le premier, « Man kana yu'minu billahi wa liyumil akhiri, falyakul khayran aw liyasmut. » Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. « Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, min husni islam il mar'i, tarkuhu ma la ya'ni. » Le hadith, il relève de la qualité de l'islam ou de la beauté de l'islam d'une personne, qu'il délaisse ce qu'il ne regarde pas. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam lilladhi ikhtasara lahu al-wasiyya la taghdab. Le hadith, ne te mets pas en colère. Et le quatrième, c'est celui-là. C'est-à-dire, tenir sa langue, ne pas se mêler de ce qui ne te regarde pas, ne pas se mettre en colère et aimer pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Le hadith suivant, il dit, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم. Ibn Mas'ud rapporte qu'il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم quel péché est le plus grand. Donc ça, on le retrouve de la part de plusieurs compagnons. Ils aimaient bien poser ce genre de questions sur les péchés, sur les bonnes actions. Ou alors par exemple quand ils ont dit أي الإسلام خير, c'est quoi la meilleure chose dans l'islam, etc. Et on voit également que les réponses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles varient. Ce n'est pas toujours les mêmes. Parfois, il cite certains grands péchés, et parfois, il en cite d'autres. Donc ici, il a dit, « قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. » Le fait que tu donnes à Allah un égal. « Niddun »« Nid » c'est comme « kafi »,« musawi », etc. « Kuf'un » Tout ça, c'est des termes qui sont semblable, c'est-à-dire un équivalent. Ou samiyun, hal ta'lamu lahu, samiya également. Donc que tu donnes à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Et ça, ça rappelle le verset de Surat al-Baqarah. Le premier verset qui dit Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Le premier verset qui parle de l'ibada dans le Coran et qui dit à la fin Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ne donnez pas à Allah des égaux alors que vous savez. Et comment est-ce qu'on explique donner à Allah un égal? Bien, c'est très large. Ça peut être en vouant à autre qu'Allah un acte d'adoration qui ne doit être voué qu'à Allah, comme ad-du'a, salah, sujoud, dhabh, etc. Et ça peut être également d'autres choses, comme Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il a expliqué ce que veut dire al-andad, donner à Allah des égaux, il a parlé du fait de jurer par autre qu'Allah, de dire à quelqu'un laoula ant, si t'étais pas là, il serait passé ceci, au lieu de dire laoula Allah, etc., etc. Donc il a désigné par là ici le shirk, et il en a montré également la illa. Pourquoi le shirk est si grave? Wa huwa khalaqak, alors que c'est Allah qui t'a créé. Qultu thumma ay, j'ai dit et ensuite. Donc Ibn Mas'ud demande après, c'est quoi le pire? Qala an thumma an taqtula waladaka khashyata an ya'kula ma'ak. Il dit puis le fait que tu tues ton enfant de peur qu'il ne mange avec toi. Parce que ça, c'est à la fois ça rentre dans Qatlun Nafs. On sait que Qatlun Nafs biriri haq, ça rentre dans les grands péchés. Mais en plus, ici, c'est son enfant. Et en plus, ici, c'est accompagné de su'udhani billah. Le fait de penser du mal d'Allah. Que parce que ton enfant va vivre, tu vas devenir pauvre, affamé. Et c'est en même temps accompagné de shuh, de bukhl, de d'avarice. Qultu thumma ay qala thumma an tuzaniya halilata jarik muttafaqun alayh. Il dit et ensuite il lui a dit ensuite c'est que tu forniques avec la halila, ici c'est dans le sens la femme de ton voisin. Il a dit, il a pas dit tazni, parce que s'il avait dit tazni bi halilati jarik, ça pourrait vouloir dire zina tel qu'on connaît, et ça pourrait vouloir dire également le viol. Mais quand il a dit tuzani, le verbe que c'est sur le modèle fa'ala, ça implique qu'il y a deux acteurs. C'est-à-dire qu'il le fait avec l'agrément de cette femme. Ce qui veut dire qu'il y a une liaison entre eux. C'est encore plus grave. Donc c'est une grande trahison. Donc pourquoi est-ce que c'est si grave? Eh bien, parce que à la fois c'est zina, mais en plus, ça corrompt le devoir envers le voisin. Il y a de la trahison. Il y a le fait de trahir son voisin alors que normalement le voisin, justement, tu lui dis tout l'inverse, etc., etc. Donc il l'a cité parmi. Donc on voit qu'il n'a pas dit simplement le meurtre et zina. Il a précisé. Il a cité les sourates, c'est-à-dire les cas de figure les plus graves. Il a cité ce hadith ici pour parler du voisin, bien sûr. Pourquoi ce hadith en plein milieu ici? C'est par rapport au voisin, pour montrer le droit du voisin. ثم قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. Dans ce hadith qui est dans le Bukhari Muslim, le prophète dit صلى الله عليه وسلم parmi les grands péchés, le kabair, pluriel de kabira, parmi les grands péchés il y a le fait que l'homme insulte ses parents. قيل, c'est-à-dire les sahaba ont dit, وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. Et est-ce qu'un homme peut insulter ses parents? C'est-à-dire, pour eux, c'était bizarre. Déjà, en tant qu'arabe, sans parler d'islam, déjà même avant l'islam, pour eux, ça aurait été étrange, puisque le respect des anciens et des parents s'était ancré en eux. Donc ça les a étonnés. Est-ce qu'un homme, il peut insulter ses parents? قَالَ نَعَمْ. Donc il n'a pas dit oui, un homme insulte ses parents, même si c'est vrai que ça existe. Mais il a parlé d'autre chose. Il a dit نَعَمْ. يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Il a dit oui, il insulte le père d'un homme qui insulte son père, ou il insulte sa mère et donc l'autre insulte sa mère. C'est-à-dire التَّسَبُّب, le fait d'insulter les parents des autres, et qu'à cause de ça, les autres insultent tes parents, auprès d'Allah, ça vaut le fait que toi t'as insulté tes parents. Parce que tu as causé ça en insultant les parents des autres. Donc en gros, en insultant les parents des autres, tu insultes tes parents. Pourquoi? Parce que c'est un tasabboum. Donc, à la fois parce qu'il est grave d'insulter les parents des autres, et deuxièmement parce que tu causes le fait qu'on insulte tes parents, donc tu rentres dans le péché, comme si tu avais toi-même insulté tes parents. Donc, ça montre que dans d'autres versions, il est écrit également l'ard. Il est interdit de maudire les parents des autres, d'insulter les parents des autres, etc. ثم قال رحمه الله عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه. Donc dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم parle de al-hajr, on peut dire aussi al-muhajara, on peut même dire al-hijra dans ce cas-là. Et le hajj, bien sûr, le sens de l'hajj, c'est le bu'd, l'éloignement. Donc ce qui est voulu ici, c'est le fait qu'un musulman s'éloigne d'un musulman. Donc le prophète dit ici, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas, la yahil, n'est pas autorisé à un musulman d'éviter son frère plus de 3 jours. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on en comprend? C'est que 1 jour c'est permis, 2 jours c'est permis, 3 jours c'est permis. Dans quel cas, de quel cas de figure parle le hadith? Il parle des affaires personnelles. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un s'est mal comporté envers toi, etc. Eh bien, tu peux lui faire l'hajj 1 jour, 2 jours, 3 jours. Pourquoi? Pour soulager cette rage ou cette colère qui est humaine. Allah lui a donné un espace pour se libérer. Pour libérer cette haine ou cette colère et pour la soulager et l'éteindre. Donc, c'est permis 1 jour, 2 jours et 3 jours. Donc il a expliqué, il a dit, yaltaqiyan, lorsqu'ils se rencontrent, yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, celui-là se détourne et celui-là se détourne. Et le meilleur des deux est celui qui dit le salam en premier. Donc, comme on a dit, ce hadith il signifie qu'il est permis de faire le hajar pour les causes personnelles, 1 jour, 2 jours et 3 jours. Et qu'au-delà de 3 jours, c'est interdit. Donc on a bien dit que ce hadith il parle des choses personnelles. Mais il y a un autre hajar qui existe dans l'islam et que le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué, qui est le hajar qui n'est pas pour les causes personnelles mais pour les causes religieuses. C'est-à-dire d'éviter par exemple quelqu'un qui commet la fornication, quelqu'un qui pratique un riba, quelqu'un qui pratique une bid'a, une hérésie, et de le boycotter complètement. Et quand on dit le boycotter, c'est-à-dire de ne pas lui passer le salam carrément, de ne pas le visiter s'il tombe malade, s'il meurt, de ne pas prier sur sa tombe, etc. Ça, c'est un hajj qui existe. Avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça? Avec وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Les 3 sahaba, dont Ka'b ibn Malik, les 2 autres, j'ai oublié les prénoms, qui s'étaient absentés de la bataille de Tabouk, alors qu'ils avaient pour devoir de s'y rendre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait, lui et tous les musulmans, ils leur ont fait le hajar pendant 50 jours. C'est-à-dire que personne ne leur parlait. Quand ils s'adressaient à quelqu'un, les gens ne leur répondaient pas. Pas de salam, ni rien du tout. Même leurs femmes. Au bout d'un certain nombre de jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné même à leurs femmes de le faire. Donc ce hajar, il existe dans l'islam et il est comme un dawa. En fait, il est à prendre comme un remède et comme un médicament. Et donc son but c'est le bien de la personne, c'est pas son mal. C'est-à-dire son but c'est pas de rabaisser, c'est pas de se venger, c'est pas d'écraser, c'est pas de se montrer meilleur que l'autre, c'est au contraire de faire revenir l'autre à la raison et à la bonne voie. Donc justement, puisque son but c'est ça, eh bien les savants expliquent que ce hajar il tourne avec la maslaha. C'est-à-dire que s'il y a un intérêt à le faire, on le fait. Et quand est-ce que cet intérêt va être avéré généralement? C'est quand les musulmans et la piété, elle est en force. C'est-à-dire, on imagine une société islamique où la vertu, elle est répandue. Si quelqu'un commet des péchés et que personne ne lui parle, là, ça peut avoir un bon effet. Parce qu'il va se remettre en question. Mais dans une société où la règle, c'est le riba, la règle, c'est le zina, la règle, c'est désobéir à ses parents, la règle, c'est de ne pas faire la salat. Est-ce que celui qui est en plein milieu, là, qui fait salat, qui obéit à ses parents, qui s'écarte de riba, il dit je vais faire le hajar aux autres? C'est lui le mahajur, c'est pas lui de faire le hajar. Là, il n'y aura aucune maslaha dans ce cas-là. Il peut avoir comme maslaha l'azl, mais ça, c'est une autre chose, l'azl. L'azl, c'est-à-dire qu'il ne va pas fréquenter les gens, il va se contenter de sa maison. Ça, c'est une autre chose. Là, on parle de ne pas passer le salam, de ne pas visiter les malades, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui tourne avec la maslaha et qui dépend donc de l'environnement et de la force ou de la faiblesse de l'islam, de la piété, de la sunna, etc. C'est pour ça que on trouve énormément d'exemples chez les anciens, à l'époque de l'imam Malik, à l'époque de l'imam Ahmed, rahimahumullah, où ils faisaient le hajar de certaines personnes, où ils ordonnaient aux gens de faire le hajar. Mais ces personnes, quand on écoute, c'était quoi? C'est des gens qui prêchaient l'athéisme, qui prêchaient de renier le destin, qui prêchaient de dire que le Coran, c'est une création d'Allah et non pas la parole d'Allah. C'est-à-dire des choses qui étaient énormes. Et à l'inverse, on voit que l'imam Ahmed lui-même, rahimahullah, dont on connaît ces textes-là, quand des gens de Ahlul Hadith, de Ahlul Sunnah, du Khorasan, un jour sont venus lui dire on vient du Khorasan et là-bas on est envahi par les Jahmiyyah, qu'est-ce qu'il a dit? Daruhum. C'est-à-dire, c'est tout. Daruhum, c'est-à-dire, comportez-vous normalement avec eux. Pas de hajar, parce que c'est vous qui êtes. Si vous leur faites hajar, il n'y aura pas d'intérêt. C'est plutôt avec Al-Mudarat que vous allez les amener à la bonne voie, leur montrer le bon exemple, etc. Donc, ce hadith, il ne parle pas de ce hajar-là. Ce hajar-là, j'ai fait une parenthèse dessus, pour qu'on ne comprenne pas que ce hajar, il est limité à 3 jours. Ce hajar, il est indéfini. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait 50 jours. Mais c'est un autre sujet. Ce hajar, il parle des choses personnelles. Ensuite, la question qui est très intéressante ici aussi, c'est comment ce hajar s'arrête? Puisqu'à la fin, il a dit « Wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam » Et le meilleur des deux est celui qui commence par dire salam. Donc certains savants ont pris cette phrase du hadith pour dire ben le hajar il s'arrête avec salam. C'est-à-dire s'il ne se parle pas pendant 3 jours, à partir du moment où l'un des deux dit assalamu alaikum et l'autre il répond alaikum salam, c'est tout, ils ne sont plus dans la hajar. Ça c'est rapporté de certains, c'est l'avis de certains savants. Et certains l'ont compris de l'imam Ahmed. Parce que l'imam Ahmed, donc ici le cheikh a tout expliqué, il a tout ramené. Je vais essayer de vous citer la référence exacte. Voilà. Al-Fadl ibn Ziyad, c'est une riwaya de Al-Fadl ibn Ziyad, un des élèves de l'imam Ahmed. Parce que l'imam Ahmed, il a plein de riwayat, plein d'élèves différents qui rapportaient des choses de lui. Et Al-Fadl ibn Ziyad, il a rapporté qu'un homme a demandé à l'imam Ahmed, lui a expliqué qu'il avait une cousine qui parlait sur lui, qui le maudissait tout le temps, etc. Et il a répondu, l'imam Ahmed, qu'il lui dise salamu alaykoum quand il la croise. Donc de là, certains ont compris que l'imam Ahmed est de cet avis-là. Mais on peut y répondre que, comme c'est sa cousine, il ne peut pas aller s'asseoir avec elle et passer 2 heures avec elle. Donc il lui a dit salam dans le sens où il sait qu'elle parle sur lui. Donc quand il la croise, il lui dit salamu alaykoum. Parce que là, ça va couper le conflit. Parce que de toute façon, c'est ce qu'il peut faire avec elle. Pas dans le sens où, de façon générale, c'est la règle et que c'est ça qui coupe al-hajar. Donc, au contraire, dans un autre hadith, une autre riwaya, rapportée par Al-Athram, il dit Wasu'ila anis salam yaqda'u al-hujran. On a demandé à l'imam Ahmed est-ce que le salam coupe al-hujran? Al-hujran, c'est-à-dire le muhajara. Faqal, qad yusallimu alayhi wa qad sadda an. Il a dit non parce qu'il se peut qu'il lui passe le salam et se détourne de lui. Effectivement. S'il se passe le salam, mais il continue à se faire la tête, il faut regarder le ma'na. Ce n'est pas juste le salam qui est voulu. C'est plutôt ulima. فَلَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا سَلَامٌ لَيْسَ مَعَهُ إِعْرَاضٌ وَلَا إِدْبَارٌ. Voilà, dans cette parole, l'imam Ahmed, il a tout expliqué. Rahimahullah. Il a dit, il faut regarder comment ils étaient avant ce hajar. Tout simplement. Ces deux personnes-là, ils étaient comment avant le hajar? Est-ce que c'est juste deux personnes, ils se croisent de temps en temps, ils se disent salam? Et il dit, donc si ce qui était connu de ces deux personnes, c'est qu'ils se parlaient, c'est-à-dire que, en gros, voilà, c'est son ami, il reste avec lui, etc. Alors, le hajar ne s'arrêtera qu'en disant un salam qui est accompagné de adamul i'rad wal idbar, du fait de ne plus se détourner, etc. Donc en fait, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui coupe le hajar? C'est le salam accompagné de... C'est-à-dire il faut que les choses elles reviennent comme avant. Quand les choses reviennent comme avant, le hajar il est terminé. Mais si tu lui dis juste assalamu alaikum parce que c'est le quatrième jour et tu continues de lui faire la tête, bah, on ne peut pas dire que le hajar il est terminé. ثم قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة أخرجه البخاري. Ici le prophète dit صلى الله عليه وسلم tout معروف. Le معروف qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout bien que tu peux faire à autrui. Il a dit tout معروف est une صدقة. La صدقة qu'est-ce que c'est? C'est l'aumône. Donc quand tu fais un ma'ruf, par exemple un sourire, c'est pas une aumône, tu n'as pas donné d'argent. Donc qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire tashbih. Il a voulu nous apprendre que toute bonne chose que tu peux faire envers autrui équivaut à la sadaqa. Ne pensez pas que le bien, c'est seulement la sadaqa. Seulement en donnant de l'argent, seulement en donnant à manger. Tout ma'ruf est comme la sadaqa, c'est ça que veut dire le hadith. Tout ma'ruf te vaut des récompenses auprès d'Allah. Donc le ma'ruf c'est... Ben, dans ce sens, il est très large. Ça peut être un sourire, ça peut être une visite, ça peut être un cadeau, ça peut être une entraide, ça peut être un tas de choses. Le ma'rouf, ça, on ne peut pas le compter. Et en plus, on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu ma'rouf. Dans ce hadith, il n'a pas dit ilal mu'min. Il a dit kullu ma'rouf. Tout ma'rouf que tu peux faire à autrui. Et également, la nasiha, la da'wa, c'est un ma'rouf. Et le ma'rouf, ça englobe beaucoup de choses. Il y a des choses matérielles, il y a des choses spirituelles. Il y a des choses qui relèvent du moral. Un ami, il est en dépression, tu vas, tu lui tiens compagnie, tu vas monter mal. C'est un ma'rouf. Tu ne lui as pas appris quelque chose dans la religion, tu ne lui as pas donné quoi que ce soit, mais c'est un ma'rouf parce que tu lui as fait quelque chose de... Tu l'as soulagé. Donc le ma'rouf, il est général du point de vue de son djinns. C'est-à-dire le ma'rouf en lui-même, c'est très vague. Et du point de vue de ceux à qui tu peux le faire. Également, il est très large. Ça peut être les animaux... etc. ثم قال رحمه الله. Donc qu'est-ce que ça veut dire aussi par ce hadith? C'est qu'il ne faut pas mépriser le ma'ruf. Il ne faut pas croire que le ma'ruf se résume à donner de l'argent. Et donc il faut s'encourager, se motiver à faire tout ma'ruf possible. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. Ici le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam la tahqiranna, ne méprise pas. Et il a fait tawkid, il n'a pas juste dit la tahqir, il a dit la tahqiranna. C'est comme s'il disait ne méprise surtout pas min al ma'ruf shay'a, ne méprise surtout rien du tout du ma'ruf. Le ma'ruf dont on vient de parler, il a dit n'en méprise rien, c'est à dire la tastaqlil minhu shay'an. Il ne faut pas que tu considères quoi que ce soit du ma'ruf comme étant quelque chose de rien du tout, quelque chose de petit. Pourquoi? Parce que si tu vois ça comme quelque chose de petit, bah tu ne vas pas le faire. Et en plus, c'est une erreur. Parce que ça peut être petit à tes yeux et ça peut être énorme auprès d'Allah. Comme il y a des exemples dans énormément de hadiths. Donc il dit, après il a cité un exemple, il a dit « Walao » et même si il s'agit de rencontrer ton frère avec un visage détendu. Talq. On peut dire talq ou bien taliq ou taliq également, avec un visage détendu. Alors même ça, c'est détendu, c'est-à-dire souriant, accueillant, etc. Eh bien, même ça, c'est du ma'ruf qu'il ne faut pas négliger. Donc le hadith, il nous encourage à faire le plus de ma'ruf possible et à participer, enfin, à opter dans tous les ma'ruf, c'est-à-dire tu ne sais pas lequel il va te sauver. Tu ne sais pas lequel de ce ma'rouf, de tous ces ma'roufs que tu as fait, tu ne sais pas c'est lequel qui va causer ta réussite. Si ça se trouve, c'est le fait que tu étais souriant quand tu croisais tes frères, et c'est ça qui va peser dans ta balance. Donc il ne faut rien mépriser du tout. « وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ. أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ, c'est-à-dire celui-là et celui d'avant. Dans celui-ci, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, إذا طبخت مرقة, quand tu cuisines de la sauce. En fait, ce qui est voulu ici, c'est quand tu cuisines et qu'il y a de la sauce. C'est pas quand tu cuisines de la sauce. C'est-à-dire quand tu cuisines un plat et qu'il y a de la sauce. فأكثر ماءها, eh bien, mets beaucoup d'eau. C'est-à-dire pour qu'il y ait beaucoup de sens. Wa ta'ahad jiranak. Ta'ahad ici, c'est dans le sens, bien sûr, donne-en. Et donne-en à tes voisins. Mais le verbe ta'ahada, qu'est-ce qu'il sous-entend? En gros, c'est-à-dire, les laisse pas tomber. Souvent, va les voir, etc. Pense à eux. C'est ça que ça sous-entend, ta'ahad. C'est pas juste donne. Donc, qu'est-ce qu'il nous montre ce hadith? C'est que quand quelqu'un il fait un plat ou dans lequel il y a de la sauce, eh bien, il va faire beaucoup de sauce pour en donner une partie, un peu de sauce à ses voisins. Pourquoi? Si on remet les choses dans le contexte, parce qu'à l'époque, la nourriture des Arabes, elle consiste souvent à ce qu'on appelle al-i'tidam. Al-i'tidam, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on trempe du pain dans quelque chose. Et ça pouvait être beaucoup de choses différentes. Par exemple, dans un hadith, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ni'am al-idam ul-khal ». Il y avait une tribu, il leur a demandé « C'est quoi votre idam, votre habitude ?» Ils ont dit « Le khal », le vinaigre. Il a répondu « Ni'am al-idam ul-khal ». Donc parfois, c'était du... En fait, ça pouvait être du vinaigre, ça pouvait être de la sauce ou quoi que ce soit, et ils trempaient le pain dedans. C'était ça leur habitude. Donc le fait de donner de la sauce au voisin d'à côté, ça lui assure quelque chose dans lequel il va tremper son pain. Donc au cas où on vit dans une époque ou dans une société où les habitudes elles sont autres, bah, on l'adapte. Hein. C'est-à-dire si nous, maintenant, une sauce, ton voisin il va pas du tout en profiter, alors qu'à l'époque c'était un repas. C'est-à-dire si tu lui ramènes un peu de sauce, bah, pour lui c'est bon, t'as assuré son repas. Lui il a son pain, maintenant il a où tremper la sauce. Si dans notre cas par exemple c'est plus le cas, si tu ramènes la sauce, il va dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. Donc il faut regarder le ma'na, c'est-à-dire le sens du hadith, qu'est-ce que c'est. C'est que quand tu cuisines, pense à prendre un petit peu pour les voisins. Même si c'est quelque chose qui peut sembler négligeable, il ne faut pas en priver tes voisins. Et ici, il y a le sens dans le hadith, quand vous regardez, il parle de le marqa, ou plutôt le maraq, de la sauce. Il n'a pas dit donnez-en tout, c'est-à-dire la viande, le pain. Il parle de donner la sauce. Qu'est-ce qu'on en comprend? C'est qu'il veut dire par là, même quelque chose qui peut être insignifiant, mais à partir du moment où il est profitable, c'est pas quelque chose qui est destiné à la poubelle, c'est quelque chose qui est profitable, donne-le à tes voisins. Et bien ça, c'est un truc dans le hadith qu'il faut pas sous-estimer. Pourquoi? Parce que cet enseignement prophétique, il a beaucoup de sens. Il faut pas penser que ce que tu donnes à ton voisin, c'est forcément le gros plat de couscous. C'est ça, forcément la grosse assiette de crêpes. Non, ça peut être des fois deux crêpes, ça peut être des fois la petite assiette qui reste de couscous, ça peut être sans viande. Parce que il n'y a pas que le fait de nourrir le voisin dedans, il y a ça. C'est sûr qu'il y a ça dedans, c'est le premier but. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que entre voisins, même si ça se passe bien, il y a toujours quelque chose. Tes enfants, ils crient trop, lui, c'est autre chose, il se dispute avec sa femme. Il y a toujours quelque chose qui fait que il y a un petit peu dans le cœur, il y a toujours un peu de choses. Là, le fait de régulièrement s'échanger ces choses, ça fait disparaître ce genre de petites rancunes qu'il peut y avoir entre voisins. Ça, c'est une des grandes sagesses qu'il y a dans ce hadith. Donc, si on attend que de donner des gros plats une fois tous les je ne sais pas combien, on va perdre cette hikmah-là. Et imaginez-vous si tous les musulmans, ils appliquent ça. Imaginez-vous un peu l'image dans la société, pour nous maintenant, que les musulmans, ils vont donner. Imaginez-vous un petit peu l'impact que ça peut avoir. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, même si c'est des choses qui, en apparence, peuvent paraître peu. On termine par ce hadith. An Abi Hurayra radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi al-qiyamah. Donc on va faire phrase par phrase. Premièrement, il dit man naffasa. Ici, c'est dans le sens celui qui soulage à un croyant sa courba. Courba, c'est un malheur. C'est-à-dire celui qui soulage un croyant d'un malheur. Parmi les malheurs de la vie présente, Allah le soulagera d'un des malheurs du jour de la résurrection. Et il a dit nafasa parce qu'il y a un rapport avec un nafas. Comme si al-courba, elle l'avait tellement, elle l'étouffait. Donc c'est pour ça qu'il a employé le verbe nafasa. C'est parce que il l'a soulagé, il lui a permis de respirer normalement de nouveau. C'est ça le sens. Donc ça, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que ça encourage à, quand ton frère est dans une détresse, eh bien, de chercher à le débarrasser de cette détresse, le sauver de cette détresse. Et ça te vaut qu'Allah te sauvera d'une détresse qui t'était qui t'attendait au jour de la résurrection. Sachant qu'il n'y a pas de muqarana, il n'y a pas de comparaison possible entre les détresses de cette vie et celle de la résurrection. Thumma qala وَمَنْ يَسَّرَ اللَّهُ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Al-mu'sir, ça signifie celui qui est endetté et qui a du mal à rembourser ses dettes. Donc il dit مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ, celui qui facilite à un mu'sir, à un endetté. Comment on facilite à un endetté? S'il est endetté envers toi, ça peut être de le libérer de sa dette, ou alors de diminuer sa dette sans le libérer complètement. Il te doit 5 000, tu lui dis, bah vas-y, tu me rends 3 000, par exemple. Et s'il est endetté envers autrui, bah en lui donnant l'argent, ou en lui disant, par exemple, t'inquiète pas, c'est moi qui m'occupe de ta dette. Tout ça, ça s'appelle Yassara al-Mu'sirin. Sachant que, et ça, il faut le savoir, Allah dit dans le Coran, فَإِنْ كَانَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, c'est ça, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, c'est-à-dire, si c'est un mu'sar, alors nadhira, il faut le laisser ila maysura ou maysara, jusqu'à ce qu'il soit dans la facilité. Il faut savoir, c'est pas tout le monde qui sait ça, que dans le fiqh, dans l'islam, quand quelqu'un te doit de l'argent ou quelque chose, s'il est dans la difficulté, il ne peut pas te rendre, c'est wajib de le laisser. C'est pas un choix que tu as. Je ne vais pas dire, par exemple, je vais me plaindre, je vais à la police, je vais ceci, je vais cela. Si vraiment il n'en a pas la possibilité de te rembourser, tu es obligé de le laisser. C'est quand il a la possibilité, où là tu peux aller le voir et lui dire, rends-moi mon argent maintenant. Là tu as le droit. Mais quand il n'en a pas la possibilité, il fait ce qu'il peut, il n'y arrive pas, ben tu es obligé de lui laisser un délai, même supplémentaire. Donc celui qui fait ça à un mu'sir, Allah lui facilitera ici-bas et dans l'au-delà. Donc comment, notamment une des façons d'avoir les choses faciles dans la vie d'ici-bas, c'est de la faciliter aux autres. Et là, dans l'explication, il nous a rappelé un hadith. Un hadith dont le sens est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté, c'est dans le Bukhari Muslim, que dans les communautés passées, il y avait un homme, un tajir, un commerçant, qui, c'est que lorsqu'il est passé au jugement devant Allah, dans ses bonnes œuvres, il y avait le fait que, quand il y avait un mu'sir, il le laissait. Il lui laissait un délai, ou alors il effaçait ses dettes. Et Allah lui a facilité comme il a, yani tajawaza anhu kama kana yatajawazu anin nas. Comme il était indulgent, Allah était indulgent envers lui. Pour ça, il est rentré au paradis, un commerçant. Parce qu'il était, dire, il n'était pas serré, quoi. Il laissait, que quand les gens ils avaient du mal à le rembourser, à lui donner ce qu'il lui devait, eh bien, il l'a laissé. Donc Allah l'a laissé. Ensuite, il dit وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا, je touche à la fin là, j'arrive plus à parler. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. C'est beau, ça ne marche pas. Et celui qui cache un musulman, Allah le cache ici-bas et dans l'au-delà. Donc satara, ici, ça peut être physique, quelqu'un qui est dans le dénuement, et tu lui offres des vêtements de quoi se couvrir, et ça peut être également moral. Et quand c'est moral, ça veut dire, ça parle du muslim qui fait pas de mal aux autres. C'est-à-dire quelqu'un qui commet un péché, et tu le découvres. Alors à ce moment-là, si tu le caches, tu le dénonces pas aux autres, et tu dénonces pas non plus aux autorités, par exemple quelqu'un il a commis zina, tu vas pas au qadi dire, il a fait zina. Eh bien, Allah également te cachera tes péchés ici-bas et dans l'au-delà. Par contre, c'est pas le cas pour quelqu'un dont le mal il est, par exemple quelqu'un qui commet zina mais tout le temps et qui s'en vante. Celui-là, non, tu le caches pas. Même dans un pays musulman, tu peux le dénoncer pour parce que son mal il touche à la société ou un voleur, etc., etc., etc. Celui-là, il n'est pas demandé de le cacher parce que son mal il touche les autres. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Donc cette phrase, elle résume plus ou moins toutes les phrases qui précèdent. Il a dit, et Allah aide l'être humain tant qu'il aide son frère. Donc ça, c'est une bonne façon de akhrajahu muslim. Parfois, quand les issues, elles semblent fermées, eh bien, pour qu'Allah te facilite, pense-toi, est-ce que tu facilites aux autres? Est-ce que tu aides les autres, si ce n'est pas le cas, fais-le. Et tu trouveras que ta situation et tes choses, elles vont s'ouvrir et elles vont se faciliter. Donc on se contente de ça, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Wallahu a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je suis